RAP, ma religion c'est croire en moi et se battre pour y arriver. Sans mêler, un esprit combatif, un guerrier. Le messager des temps modernes, le DND. Qui t'en est pour ça? Le microphone, wow. Mon épée. Escalibur, ma voix, le bélier. Prise en apport des larmes. Né pour ça, rêver les âmes, même pas les nuits d'orage. Wow. Ma voix, le magma venant des volcans les plus sauvages. Le commencement du monde se fond dans ma voix gronde. Ma rage des éclairs, ça explose de partout comme à la guerre. J'suis passé par la lode, dis-moi, reste bailli. Né pour me faire entendre, j'ai le flow qui envahit. Né pour ça, faire les ferza. Force à Cadorza. Le Mike, le Yakuza. Qui te pousse à réussir le succès, t'étouffes pas, tu bouffes quoi. Pas de bouche, juste ma voix, je pousse car du gâteau, je vais des 12 parts. Quitte à ce que le concert ce soir parte en 12 parts. Car j'compte pas voir mon nom seulement inscrit au mur au Posca. Né pour ça, se battre ou pas finir dans l'oubli. Rester dans la course, tenir tête, relever le défi. MC, plus qu'une vocation, une philosophie. Un don de la vie, le prolongement de nos anatomies. En dépit de ce que les gens sur notre méthode de faire l'argent disent. Jamais de bêtises sur la qualité de la marchandise. Battle 2, fight. Et yo, né pour ça, rappé 24 sur 24 en soirée. Le corps tombé dessus à la voix niquée, la foule agitée. Forcené, j'écris sans cesse pour aligner le mal en moi. Bouverse mes courants négatifs, combat mes démons instinctifs. Moitié homme, moitié bête magicien, j'ai rentré en piste composée. T'es un alchimiste enfermé pour créer. Né pour ça, dis-moi Bouddha. Tiré dessus de bonnes lattes, mes yeux doivent pétiller. L'amour futur, c'est pas l'occupation du moment. Loin du stress, mon esprit décompresse. Sous HSC, ce Bouddha est à l'aise comme dans une benne. J'fume pour m'élever, ma voix se faufile sur le vinyle. Me laisse glisser par l'atmosphère, ainsi je peaufine mon style. Né pour ça, pour ceux, je donne ça à 100%. De pur, si j'suis pas pour ceux, mon service du pur son. De pur gars, de pur go. J'suis pas un mauvais tour gars, t'auras besoin d'urgo. Par mon style plus violent courco. Le mec m'en veut pas, si mon flow me sert d'appât. Malgré le succès, j'ai qu'un seul gosse qui m'appelle papa. Yo, né pour ça, gagner, sortir du béton, faire du blé. Représenter, lâcher les productions, bootleg. Mon crew, bec, des vrais gars, un gang, mes familles, ma destinée. Para la vida, j'y crois qu'en personne sacrifie ma vie, le micro j'ai choisi. Juré, fidélité, foi, honneur, espèce, cosa nuestra. Battle 3, fight. Né pour ça, donner de la valeur à tout ce que je touche, mon ardeur. Hypnotiser le peuple, l'emmener dans un véritable bonheur. Une sorte de lueur pour contrôler les humeurs. C'est révélateur, mon flore alienigène de toutes les couleurs. J'ai besoin d'oxygène, de son de basse dans le bas. Mon rap est un besoin intense au même titre que la faim ou la soif. Né pour ça, tu me diras qu'est-ce que je sais faire à part ça. Fringuer, ça fait peur ça. Boxer, ça fait peur ça. Voler, c'est pire ça. Ce qu'on veut, moi, mes compères, c'est percer, remplir Bercy. Avec la soule, ton âme la bercer. T'inquiète, je serai pas amer si tu t'amuses et dis pas merci. Car à part ça, ce qu'on a bouge la foule. Comme au foot le Barça. Né pour ça, se battre ou pas finir dans l'oubli. Rester dans la course, tenir tête, relever le défi. MC, plus qu'une vocation, une philosophie. Un don de la vie, le prolongement de nos anatomies. En dépit de ce que les gens sur notre méthode de faire l'argent disent. Jamais de bêtises sur la qualité de la marchandise. The grueling battle ended. Win. Bueno, Roca, entonces que me va a echar una con cosita ahí en la capela, ¿ok? A ver, escucha, mira, bien, mira, hola.